Ici, Signal FM 90.5. Point barre. Signal FM. I love you. Jeune, talentueux et professionnel. Mais c'est qui ça? C'est une nouvelle génération d'hommes qui fait la différence sur le signal des années 90. La génération 2000. Signal FM. 90.5. Sur Signal, il est 9h. Facilité ak rapidité n'ap cherché. C'est peut-être ça. Unibank vient avec option paiement QR là sur application Unimobile. Depuis moun wap paye a, bien Unimobile tout, c'est ouvert application, scanner code là, sortant de ya, vip. Transaction faite là pour là. Pour recevoir l'argent, c'est même principe là. Grâce à option ça, ou pas besoin marcher ak l'argent cash nan men encore. Rapide, li facile et li sécurisé. Téléchargez l'application Unimobile la Jodia sous Play Store ou bien App Store. Pour garder vidéo sur comment vous faites transaction ça, montez sur YouTube et puis tapez Unibank SA. C'est même côté nous braler, on fait route là ensemble avec Unibank. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I go like a river I flow to the ocean. Il faut cela laisse entrer le bonheur, fait qu'il garde sa place au fond de ton cœur. À l'FM. 90.5.